Toutes ces fleurs, toutes ces mains qui se tendent, tout ce bonheur, ces amis qui m'attendent pour toujours, je vous aime. On a beau dire que c'est difficile, que parfois on se perd, mais moi sans vous je n'aurai plus de repères sur cette terre. Je vous aime, merci pour tout. Une des choses les plus belles, une chance irréelle, celle qui a donné un sens à ma vie pour toujours. Je vous aime. Je tremble quand je vous rencontre, je vois tous vos sourires, ces bras, ces mains qui me serrent, ce qui nous lie, vous et moi. J'ai tant besoin. Et me permet.